vous souhaite un bon samedi. C'est Stéréo Mike sur Énergie. Là, je souris parce qu'aujourd'hui, on est le 5 juillet. Puis de temps en temps, je vais voir, vous savez, les calendriers là, où on indique que c'est la journée nationale de ci et de ça. Et aujourd'hui, c'est trois sujets bien particuliers. Premièrement, c'est la journée où on rend hommage à nos animaux de compagnie qui sont disparus. Vous allez me juger peut-être bien, mais moi, à la maison, là, j'ai 4 urnes d'animaux qui sont passés dans ma vie. Je les vois tous les jours. Aussi, c'est la journée de la fringale. Les cochonneries, là, c'est la journée nationale pour manger des cochonneries. Et surtout, attention, si vous organisez une petite fête chez vous ce soir puis vous demandez quelque chose à... C'est afin pour vous divertir, c'est... C'est la journée nationale du crachat du noyau de cerise. Qui lance le noyau de cerise le plus loin? Hey, ça se peut-tu? Puis dire que je disais à mes boss, moi, j'ai besoin d'à peu près une heure, deux heures pour préparer mon émission. Et il a m'écouté actuellement de dire, wow, on paye pour rien peut-être. Bon, revenons plus sérieusement à la musique. Tantôt, on aura le combat des classiques. On s'est inspiré du FEC parce que demain soir, Def Leppard est sur les plaines. Ce matin, est-ce que vous avez le goût d'entendre Pour Some Sugar on Me? Ou bien Photograph? On ouvre le 6-12-12, chanson numéro 1, Pour Some Sugar on Me. Chanson numéro 2, Photograph, 6-12-12, vous m'appelez, là, 514-790-0943. On parle du fait qu'en masse, il est là ce soir, lui, 50 ans de carrière, 8000 spectacles derrière la cravate, George Thorogood et Bad to the Bone dans Stéréo Mike sur Énergie. Your blades are sharpened with precision. Flashing your favorite point of view. I know you're waiting in the distance. Just like you always do. Just like you always do. Already pulling me in. Already under my skin. And I know exactly how this ends. I let you cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm hoping for what I won't receive. Falling for the promise of the emptiness machine. The emptiness machine. I keep on lying to you.

Stéréo Mike. Un bon samedi à vous autres. Puis on vous dit un gros merci de nous avoir choisi Énergie Stéréo Mike. Et on s'en va en 1999 ce matin pour le top 3 de Stéréo Mike. L'année 1999, oh, tout le monde commençait à s'inquiéter, à savoir. On était rendu au mois de juillet, là. Là, on commençait à nous faire peur pour le bug de l'an 2000. Mais ça s'est bien passé. 25 ans plus tard, tout va bien encore. Et côté musique, il y a des grosses chansons qui ont marqué cette année-là. Dans quelques instants, on va écouter Blink-182 qui avait lancé son album Anthem of the State en 1999. Et là, il était passé dans les rangs des méga vedettes du mouvement pop-punk. On va écouter All the Small Things et on va commencer avec Foo Fighters qui, il y a de ça quelques jours, nous a présenté une nouvelle toune, Today's Song, une toune que j'ai bien aimée avec des belles influences des Beatles là, au niveau de l'intro des voix. Mais après ça, ça devient du Foo Fighters. C'est le gros mystère à savoir qui joue de la batterie sa toune. Ça est possiblement des Brawls ou le fils de Taylor Hawkins. On le sait pas. Puis c'est la même chose. Il y a des shows prévus pour la fin de l'année. Et puis, qui sera le batteur pour ces spectacles? Mais ça serait pas surprenant que ce soit le fils de Taylor Hawkins parce que tout le monde en parle en bien. Puis il a bien fait ça là, quand il y a eu des spectacles pour rendre hommage à son père. Et nous autres, on va remonter en 1999. C'est l'année en vedette pour le top 3 avec Foo Fighters. C'est Learn to Fly sur Énergie. Top 3, numéro 2. Top 3 de Stéréo Mike aujourd'hui. En vedette, c'est l'année 1999. C'est l'année où Pearl Jam a passé à ça, là. Ils ont passé bien proche d'avoir une chanson numéro 1. Ils ont eu des albums numéro 1, mais pour les chansons, c'était un peu moins performant sur les palmarès. Mais là, en plus, à travers la vague latino qui commençait, Jennifer Lopez occupait la première position avec If You Had My Love. En troisième position, c'était Ricky Martin avec Living La Vida Loca. Ben, ils ont réussi à se hisser en deuxième position. Et l'histoire est intéressante parce qu'à chaque année, dans ce temps-là, Pearl Jam proposait à ses fans, aux membres de son fan club, un cadeau de Noël. Il envoyait un 45 tours avec une chanson là, Out of Nowhere qui arrivait de nulle part. Et là, il avait pris cette pièce-là. Eddie Vedder avait trouvé la toune quelque part d'un magasin de disques. Puis il a dit au gars, on devrait faire ça, faire notre propre version à la Pearl Jam. Et on envoyait ça aux membres du fan club. Mais dans les membres du fan club, il y avait des gens de radio. Et eux autres se sont dit « Wow, c'est une grosse toune ». Et on avait raison, parce que Last Kiss s'est arrêté en deuxième position des palmarès à l'été de 1999. Puis on l'écoute tout de suite dans Stéréo Mike sur Énergie, c'est le top 3. We'll lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should've worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine. Avant de vous parler de ma page d'histoire, je vous rappelle qu'on vient d'écouter Ozier avec Take Me to Church. Lui aussi s'en vient à Québec. Au fait que c'est dans quelques jours, je crois que c'est jeudi prochain qu'on pourra le voir en spectacle. Bon, on va dire bonne fête à l'avance à Courtney Love, l'ex de Kurt Cobain, la veuve de Kurt Cobain, je devrais dire. C'est le 9 juillet qu'elle va célébrer son 61e anniversaire de naissance. La musique encore un peu, mais elle veut être actrice. Elle a joué dans quelques films, puis là, il y a deux projets de films qui s'en viennent. Mais l'année passée, elle a mis sa main dans un nid de guêpes. Elle a osé critiquer publiquement Taylor Swift. Oh, moi, je peux vous dire quelque chose. J'ai passé par là quand, à un moment donné, j'avais fait un commentaire un peu moqueur sur la K-pop. Oh boy, que je m'étais fait ramasser sur les médias sociaux. Ça n'avait pas d'allure. Et ça a été la même chose pour Courtney Love, parce qu'elle est allée dire, ben, tu sais, Taylor Swift, là, ça n'a pas d'impact musical. C'est c'est juste un refuge pour les jeunes filles qui sont en besoin d'attention. Oh! Oh, oh, oh! On avait mis le pied sur une mine. Ça n'a pas été drôle, elle a dit. Taylor Swift, elle amène rien à la musique. Là, faites attention, c'est pas moi qui dis ça, là. Je ne fais que citer Courtney Love, puis elle s'est même pas rétractée par après. C'est comme passé, puis on n'a pas reparlé, puis Taylor Swift n'a pas répondu non plus. Et nous autres, ce matin, pour dire bonne fête à Courtney Love en avance, on va écouter leur gros succès, c'est Celebrity Skin dans Stéréo Mike sur Énergie. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study. Oh, look at my face. My name is might have been. My name is never was. It's too early. saying it won't help you, my friend. Partage sa passion pour la musique, même la nuit. Voici Stéréo Mike. Stéréo Mike. Hey! En rediffusion. Énergie. Le combat. Stéréo Mike. Le combat de Stéréo Mike pour aujourd'hui, le 5 juillet, ben c'est inspiré du groupe qui sera sur les plaines demain soir, Def Leppard, l'une des têtes d'affiche de demain. Au fait que Def Leppard, grande histoire d'amour avec le Québec, partout où ça joue. Il y a tout le temps du monde, ça va être encore bien plein demain sur les plaines pour aller vivre le répertoire de Def Leppard. Il y a du monde en masse qui m'écrivent au 6-12-12. Il y a des gens qui prennent le temps de m'appeler au 514-790-0943 pour me dire quelle est la toune qu'on va écouter qui va gagner le combat des classiques. Pour vous, est-ce que c'est la chanson numéro 1, Pour Some Sugar on Me? Ou bien vous optez pour quelque chose de moins récent avec Photograph? Chanson numéro 1, Pour Some Sugar on Me, ou bien Photograph, chanson numéro 2. Au retour, on va vous dévoiler le titre de la chanson gagnante dans Stéréo Mike sur Énergie. Dans un instant, replongez dans l'histoire du rock avec l'ultime référence musicale. Stéréo Mike. Énergie. Inspirez, expirez.